le refrain. Juste le refrain. Je voudrais dédicacer juste ce refrain à un garçon qui s'appelle Olivier. Olivier, si tu te reconnais, c'est pour toi. 1, 2, 3, 4. Quelques mots perdus dans la nuit, quelques mots qui traînent à minuit, quelques mots qui cognent au cœur de la nuit, de la nuit. J'enlève la batterie. Mais c'est dur à chanter. J'arrive pas à l'emmener dans un tir. Deux, trois, quatre. J'arrive pas à me tuer ça. Ah, ça y est, c'est bon. On va la refaire. Juste le refrain. Tu restes là, Donati, ou tu t'en vas? Alors je mets la drum alors. Comme tu veux. Faire un refrain et après Titi, tu fais les sons. Comme tu veux faire un drum ou jamais pas? Tu me dis, j'enlève. Ah, les voisins, ça j'ai connu ça. Ok, Donna, à bientôt. Bon, on va y aller. Dédicacé Olivier. Olivier, c'est pour toi. Si un jour t'entends ce refrain. Quelques mots perdus dans la nuit, quelques mots qui traînent à minuit, quelques mots qui cognent au cœur de la nuit, de la nuit. Quelques mots perdus dans la nuit. Un titi. Quelques mots qui traînent à minuit. Quelques mots qui cognent au cœur de la nuit. Quelques mots perdus dans la nuit, quelques mots qui traînent à minuit, quelques mots qui cognent au cœur de la nuit, mais la nuit ne peut pas entendre, non la nuit ne peut pas comprendre, et toi Olivier, est-ce que tu vas comprendre? parce que j'avais un ami. Mais il est parti, ce sont ça ma vie. Il n'est plus en vie, c'est tout comme. Il m'a tout donné, puis s'est effacé, sans me déranger. Et je crois que j'ai pleuré. C'est pour toi Fredo aussi. C'est pour mon frère, il s'appelle Fred. Allez Fredo, je vais t'entendre chanter derrière pour MP3. Quelques mots perdus dans la nuit. Quelques mots qui traînent à minuit. Quelques mots qui cognent au cœur de la nuit. Mais la nuit ne peut pas entendre. Non, la nuit ne peut pas comprendre. On avait un ami, il s'appelait Christophe. Un sens à notre vie, mais il n'est plus en vie. Il nous a fait rigoler, puis s'est effacé, sans nous déranger. Et tous les deux, Fred, on a pleuré. On va se faire l'offrin. Quelques mots perdus dans la nuit. Quelques mots qui traînent à minuit. Quelques mots qui cognent au cœur de la nuit. Mais la nuit ne peut pas s'entendre. Non, Titi, la nuit ne peut pas comprendre. Allez les gars, la guitare, à vous. Faire un dernier pour Olivier et Christophe. Dédicace à Olivier et Christophe. Christophe, si tu nous entends là-haut. Quelques mots perdus dans la nuit. Quelques mots qui traînent à minuit. Quelques mots qui cognent au cœur de la nuit. Mais la nuit ne peut pas entendre. La nuit ne peut pas comprendre. C'est à croire que la nuit n'a pas de cœur. C'est à croire que la nuit n'a pas de cœur. Pas de cœur. Merci au guitariste. Il y avait Titi, la France, P1, l'Amérique, et Mister Z, la France aussi, le Japon, qui était là avec nous. Merci pour mes potes qui sont partis. Et pour la peine, je vous le remets, mais je chante plus, je vous laisse faire des solos, ok ? Bravo, bravo. Rock and roll. You are Brett's musician. Ça c'est du buff. Ça c'est du jam comme jam. Jam comme jam. Oh yeah. Qu'est-ce qu'on fait? We'll be right back.